Nous connaissons deux mots en rapport avec la vision, au fait de voir. L'un, par exemple, est « regarder un livre » ou « lire un livre » qui se dirait « 看 » « 书 » Et comment dites-vous « regarder la télévision » ?« 看 电视 » Alors ce type de vision « 看 » indique un regard concentré sur quelque chose. Lorsque vous vous concentrez pour regarder la télévision, pour lire un livre, lorsque le regard est dirigé. Nous avons aussi vu le mot pour « voir quelqu'un » comme dans « je vous reverrai »,« nous te verrons demain », qui est « 见 ». Et c'est une forme différente de vision. Ce n'est pas un regard concentré ou dirigé, comme quand on lit un livre ou quand on regarde la télévision. Il s'agit en fait plus d'une rencontre. Oui, c'est ça, c'est plus une rencontre. Pour dire que nous avons remarqué quelque chose ou que nous voyons quelque chose de manière générale, nous allons combiner ces deux mots. Donc je me tourne vers ma collègue qui va nous dire comment on dit « voir quelque chose ». 看, 见. Et ce sont ces mots-là que vous allez utiliser pour dire par exemple « je vois ce livre ». Je vois ce livre parce qu'il est posé sur la table et que je peux le voir. Donc, je vois ce livre se dira 我看见那个书. Je vois ce livre. 我看见那个书. Je vois cet homme-là maintenant. Je 我 Vois cet homme-là maintenant. 现在看见 cet homme-là 那个人 Je vois cet homme-là maintenant. 我现在看见那个人 Et maintenant, dites-moi, peux-tu voir mon livre ? En d'autres termes, il est là, il est posé sur la table. Tu le vois ? Alors, tu peux voir mon livre, plus interrogatif, ma. Ni, non, kan, tien, chou. Pouvez-vous me répéter la question ? La question c'est, peux-tu voir mon livre ? Ni, non. 看见我的书吗? Peux-tu voir mon livre? 你能看见我的书吗? Je voudrais voir mon professeur maintenant, mais je suis très occupé. Alors, je voudrais voir mon professeur maintenant. Alors ici, c'est avec voir dans le sens de rencontrer. Oui, c'est exactement ce que je vous demande de dire, oui. Donc, je voudrais voir mon professeur maintenant. 我想 Je voudrais. J'ai envie de voir mon professeur maintenant. 我现在想人我的老师 Comment dites-vous je 我 Comment dites-vous mon 我的 Comment dites-vous voir ou rencontrer 认见 Oui, 见 Je voudrais voir mon professeur maintenant, mais je suis très occupé. Dites, mais je suis très occupé. 可是 我很忙 Comment dites-vous occupé? 忙 C'est ça, 忙 忙 Donc, reprenons. Je voudrais voir mon professeur maintenant, mais je suis très occupé. 我现在想见我的老师 可是我很忙 Où est ce livre? Que... Je... Ou... Je... Chou... Est-ce que vous avez le choix? Lequel voulez-vous? Je... Chou... Chou... Se trouve où? Ah, se trouve. Zai. Comment dites-vous ce? Zhege. Comment dites-vous ce livre? Zhege. Shu. Zhege. Pour dire ce, on dit zhe. Mais si vous dites ce livre, on dit zhege. Shu. Où est ce livre? Zhege. Shu. Zai na. Alors dites-moi, tu dis que ce livre est sur la table, sans traduire que ni la. Ni shuo zhege shu zai zhuo zi sheng. Comment dites-vous table? Zhuozi. Oui, zhuozi. Et comment dites-vous se trouver? Se trouver quelque part? Zai. Bien, zai. Tu dis que ce livre est sur la table. Ni shuo zhege shu zai zhuozi sheng. Peux-tu voir le livre? C'est-à-dire qu'il y a un livre posé quelque part par ici, disons sur la table, et on demande si vous pouvez le voir. Donc, dites-moi, peux-tu voir le livre? En sachant que vous n'avez pas besoin de traduire le. Ni neng kan tian shu ma? Peux-tu voir le livre? Ni neng kan tian shu ma? Et si vous voulez répondre je peux ou oui, alors comment dites-vous cela? Neng. Neng. Je ne peux pas voir ce livre-là. C'est-à-dire que tu dis qu'il y a un livre par là-bas, mais je ne vois aucun livre. Je ne peux pas voir ce livre. Donc, je ne peux pas voir ce livre-là. Wǒ bù neng non, c'est pas. Wǒ bù neng kàn jiàn nà gè shú. Je ne peux pas voir ce livre-là. 我不能看见那个书. Puis vous vous tournez vers la personne et vous lui demandez: et qu'en est-il de toi? Et toi? 你呢? 你呢? Maintenant dites-moi: as-tu une télévision? En sachant qu'il est inutile de traduire une. 你 有电视吗? As-tu une télévision? 你有电视吗? Comment dites-vous? Oui, j'en ai une. Ou bien, avoir. 有 Dites, où est la télévision? Sans traduire là. 电视 在哪儿? Où est la télévision? 电视在哪儿? Elle est sur la table. Autrement dit, elle se trouve à table sur. 在生. Alors rappelez-vous que votre grand-mère a un terrible accent de la campagne. Elle vous dit qu'il y a quelque chose pour vous sur la table. Vous mettez sur après table? Exactement. D'accord, je voulais le mettre avant. Alors donc, comment dites-vous, elle se trouve sur la table? D'accord. Ta zai zha zi shen. Comment dit-on table? Zha zi zhuo zi. Zhuo zi. Oui, avec le pouce vert. Zhuo zi. Comment dites-vous sur? Sheng. Shang. Shang. Oui, Shang. Comment dites-vous le nom de la ville qui se trouve sur la mer? Shanghai. Shanghai. Alors comment dites-vous elle est sur la table? Ta zai. Zhuozi. Shang. Elle est sur la table. Ta zai zhuozi shang. Le livre est sur la table et la table est à Shanghai. Et là, je vous rappelle qu'on ne traduit pas le et le la en chinois. Shu zai zhuozi shen. Comment dites-vous sur? Shang. Oui, shang. Comment dites-vous le livre est sur la table? Shu zai zhuozi shang. La table est à Shanghai. Zhuozi zai Shanghai. Le livre est sur la table et la table est à Shanghai. Shu zai zhuozi shang. Zhuozi zai Shanghai.